parler dans le micro 4, ouais. Bonjour. Quoi? Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Oui, je suis un petit peu énervé. Là. Oui, mais on le sent, on le voit et on le sent. Oui. Énervé. En plus, ça marche pas. Là, le truc, il marche pas. Il y a rien qui marche. Mais on va te calmer avec des bons morceaux. Fangio, là. Ouais. Ah ouais, pour maintenant, j'ai 5 étudiants. En plus de ça, il y avait un mec qui faisait du burn là, juste avant. T'aurais fait un front plus front. Moi, je le nicolaise. Il fait la course avec lui, en fait. Maintenant, je vais le comprendre. Voilà. Eh bien, donc, c'est Pyongyang Steel Rockers numéro 288. Qui commence maintenant 280, 200, deux fois, enfin non, 200 plus 88. Ouais, bon, ça va. Avec ce soir, équipe de choc, Gaël, Val et Jamo qui vient d'arriver avec ses lunettes noires. Ouais. Et son bonnet de ski numérique. Tu peux enlever, ta veste, hein, tu sais. Ouais, il faut se mettre du temps parce que ça retombe vite. Bon, tout va bien. Demain, il faut recommencer à aller manifester, faire grève. Tout le bordel. Je ne me sens pas concerné. Ils veulent te pas. Ouais, bah tu le sauras. Bah, nous, on travaille déjà jusqu'à 87 ans. Et tu sais qu'il y a des camarades belges qui bloquent tout ce qui sort du port d'Anvers et qui va vers la France. La drogue aussi. oui, aussi. Ah, merde. Pourquoi tu tournes en France, toi? Bon, pour rien à voir, The Spitters. Les brocheurs? Non, je sais pas, Spit, c'est une broche en néerlandais. C'est peut-être des crasheurs. Ou alors les crasheurs, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des gens qui aiment les chats et donc ils en font une vidéo qu'on peut trouver sur le réseau social à façade rouge, comme disait mon ami ici à gauche. À ma gauche. Façade rouge? Oui. Bah ouais, il y a des. Enfin, le logo est rouge, quoi. D'accord. Bref, okay. Les Spitters, donc, vous allez voir ça, ça s'appelle Kitty Brain. Et ça parle d'un chat qui se transforme en humain et qui amène la vengeance sur le monde. Enfin. Voilà. C'est donc The Spitters avec Kitty Brain. C'est pas Victor, c'est sûr. Non. C'est gentil. Ouais, c'est oui, mignon, c'est beau, c'est pour commencer, c'est bien. Ça clappe dans les mains. T'as vu? Ouais. Très américain. Oui. Parle dans ton micro. Bah, je parle dans mon micro. Dis bonjour. Non, tu parles dans le filtre anti-pop qui n'est pas devant le micro. Voilà. C'est la technologie moderne. On met des filtres pour empêcher les gens de parler dans le micro. Donc, du coup, ils ne parlent pas dans le micro. Voilà, c'est ça. On vous dit comment ça se passe dans le studio. Un jour, il y aura une caméra. Oh, et non, vous pourrez voir nos gueules, peut-être. Si tout le monde est d'accord. Je demande l'installation de filtres à conneries alors. C'est impossible. Ouais, malheureusement. On dirait plus rien, ça serait blanc sur antenne tout le temps. Ah ouais, attends. Il attend le monsieur, tu sais, il est sérieux. Non. Il nous regarde. Moi, bon, j'ai avec moi un morceau du disque qui vient de sortir des Américains de Battery March. Alors, c'est un groupe qui est originaire de Boston et qui est apparu avec une démo 5 titres en 2019. Et sur cette démo, on pouvait retrouver une reprise de Camera Silence, réalité, chantée en français et plutôt bien interprétée. Alors, le disque, il sort le 23 avril sur Primator Crew. Et sur ce disque, il y a un autre morceau en français qui s'appelle Futur pour eux, que j'ai forcément sélectionné. Je vous propose qu'on l'écoute de suite. C'est un groupe américain qui a la particularité d'avoir un francophone sûr, avec un deuxième qui a l'air de bien parler aussi. Eh ben, double chant français sur ce morceau américain from Boston. C'est des expats ou quoi? Je sais pas. on va se renseigner alors. Ouais. Ouais, allez. Faut demander à Ben Dickey, il les connaît, je crois. D'accord. Qu'est-ce que je vais bien raconter maintenant? Allez, je vais vous présenter une petite nouveauté belge. Oh. Hein, voilà, les deux des groupes résidents au Pits à Courtrai. Rod Stewart et Freddy and the Vagrels viennent de sortir il y a très peu de temps un split EP. Enfin, ça tourne en 33, ça fait 7 pouces de large, c'est-à-dire 18 cm. Et dessus, il y a 15 titres. Ah bah oui, ça te rappelle quelque chose? Non, je dis rien. Écoute, je t'en prie. 6 titres pour la face Freddy, 9 titres pour la face route. Route. Voilà. Ça se trouve dans plein d'endroits. Au Pits, bien sûr. Je pense qu'ils doivent en avoir à vendre. Enfin, sauf s'il y en a plus parce que tout s'est vendu. Et puis, chez nous, il y a Don't Trust the Hype qui en a quelques exemplaires. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est chez lui que je me suis fourni de ce magnifique petit disque. Donc, sans fioriture. Ah, c'est du Chuck Boom à la année 80. Peut-être même au début des années 80, je dirais pas. Je vous passe sans plus attendre deux titres de ce disque. Premièrement, Freddie and the Van Grails avec Lovely Town, où ils déclarent leur amour pour la plus belle ville de Belgique, la leur, Courtrai. Ça y est, elle s'étouffe. Il y a un coin là où on avait été, là, qui est super beau, là. Ouais. Avec Francis. Yo. Rappelle. Ah, tiens, Francis, avec les petites maisons là, les ouais. Baraques. Voilà, et bah donc tu vois, enfin bon, c'est beau, c'est touristique, quoi, on va dire. Mais après, les gens qui y habitent trouvent que quand même, ça pue le bourgeois, quand même. C'est un peu genre, tu vois. Faut qu'ils aillent faire un tour à la Volksplein. Parc Barbieux, ouais. Et puis, sinon, après, il y aura Stuart avec Generation Lose. Génération Lose, c'est la génération de la Lose, t'as vu. voici donc nos amis Courtrésia, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Courtrésia, mais pourquoi c'est un bordel ? J'ai encore avoir un mal de chien là. À balancer Freddie and the Van Grails et Rod Stewart. Sur la route. Bah oui, voilà, 4 heures de route, voilà, c'est le bordel. Hein. Bon, vous écoutez Pyongyang Styro Cars, il est 20h16 à l'antenne de Radio Campus, 106,6 DAB plus 7C. C'est le canal 7C en fait, de DAB. 7C 7C, numéro 7, petit C, ou grand C, je ne sais pas. Sensei. Voilà, bah, c'est ANC, t'as vu. Mais de quoi vous parlez? Bah, Sensei. C'est, la, c'est le DAB. Le canal d'A+. Il parle ouzbek, il ne comprend rien. C'est la RNT, la radio numérique terrestre à la française. Ah d'accord. On comprend rien, mais c'est normal. Acronyme, voilà. Moi je suis toujours perdu. Ouais. Oui. Encore un acronyme Allez, on va écouter BS. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, Brutal Ziggers sont de retour avec un nouveau single 7 pouces intitulé Caras Soucias. Le groupe barcelonais est composé de membres de Brooks. Ah. Terrible. Ouais. Acero Candal. Un peu moins terrible. Area des Combates, je connais moins. Et voilà, ils ont enregistré deux nouveaux morceaux au studio Bonzo Recordings. Deux morceaux dans la lignée du premier EP, là, qu'on avait déjà passé, Contest Look, qui était sorti chez Common People en 2022. Alors, ces morceaux, ils nous donnent un petit aperçu de ce à quoi on aura le droit dans leur album, qui sera uniquement chanté en espagnol et qui sortira fin 2023, toujours chez Common People Records. Il y aura 500 copies. Et pour les amoureux du jaune, il y aura 100 copies en jaune. En jaune. Jaune. Jeanne. Jaune. Je vous propose le morceau Sant Boy. Brutal Ziggers. Oi. We'll be right back. Ça a l'air d'être des sacrés loustiques, hein. Ouais, quand même. Alors, pas surpris par la trompe, enfin, saxo trompette, là. Trompinette. Oh, bah, c'est presque au niveau du saxo dans Bulldozer. Ah ouais, ouais. J'allais dire, c'est pas donné à tout le monde de faire du saxo dans la rue. Mais j'aime bien, moi, ça a un petit côté punk rustique des années 80-90. Il y en avait une paire hein, qui faisait du saxo comme ça. Donc, ils reviennent quand même dans la lignée. On reconnaît que c'est Brutal Ziggers, mais on s'attendait pas à un morceau aussi festif de leur part. Ah ouais. Quand on a vu les morceaux super dark. Bon, est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi un nom aussi, qui fleure bon le bizarre. Bah, je les ai jamais croisés. Non. Tu sais, faut arrêter de se fier au nom. Ah, regarde. Ah bah yeah. On en parlait du groupe basque qui s'appelle Leinuzara. Si on le traduit, ça fait lignée blanche, alors que ça veut pas du tout dire ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est je me suis rendu. C'est des drogués, peut-être. Non. Ça veut juste dire. Tu me dis non, mais en mettant ton doigt sous ton nez, tu vois. Ça veut dire all firm, toi. Oui. Vieille école. Oui, oui, d'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y a un morceau de Rotten Certain, je crois, ou de Brigade des Locaux, qui s'appelle aussi Aleinuzara. Ouais. Oui, d'accord, mais ça, c'est une. Quand on fait la traduction mot à mot. C'est pas la même chose. Là, c'est Brutal Ziggers. Enfin, Ziggers, ça veut rien dire en espagnol ou en. Peut-être en catalan. Ou en catalan. Tu parles catalan ? Siégé ? Non. Ah. Putain, c'est con. Hein. Voilà. Faut leur poser la question. Ouais, on va leur poser la question. Je suis sûr qu'on ne doit pas être les premiers. Je ne sais pas. Bon. Il va avoir une réponse peut-être automatique. Donc. Bonjour, nous sommes Brutal Ziggers. Notre nom vient de tel truc. Ouais. On va chercher. Aussi, un truc automatique, c'est demain, à 14h30, rendez-vous Porte de Paris, pour la 11e journée de mobilisation. Bien sûr, il y a des gens qui sont en grève, il y en a qui font aussi des actions de blocage, de ceci, de cela, on en parlait tout à l'heure. Il y en a même en Belgique maintenant qui arrivent à faire débrayer tous les transports en direction de la France. Il y a des trucs rigolos, par exemple, au large de Marseille, il y a une cinquantaine de pétroliers qui sont en attente. Pour décharger du kérosène, enfin, du pétrole. Parce que bien sûr, à Fos, tout est bloqué. Écoute, hein. Moi, à un moment, quand Macron et sa clique, ils veulent plus rien comprendre, chez tout. Hein. Et puis, pendant ce temps-là, que se passe-t-il? On manifeste, et pendant qu'on manifeste, il se passe des choses. Un petit exemple ici avec Infecticide. Une Renault 5 portes avec une crème dedans. Blanc. ça fume. Ça fume. Ça se consume. Elle fait la fierté de toute la brigade. En ville à 160, elle fait du dérapage. Turbo injection, suréquipée. Une si belle voiture, elle fait des ingénies. Ça fout. Ça fout. Ça se consume. Et ça se consume. Votre mobilisation est totalement stérile et vaine. Toi, bah, je fume trop. Il faut arrêter. Voilà, c'est vrai. Maître Gaël, 23 mars 2023, Policeman. Cette chanson là qu'on vient d'écouter en anglais, toute personne nous ayant déjà vu sur scène, je parle au nom du groupe, Non, je lis un texte oui. que le non, groupe mais... a mis à disposition. On Cette chanson en anglais, toute personne nous ayant déjà vu sur scène l'a entendue. Nous la jouons depuis notre premier concert et elle n'a jamais été retirée de notre set. Voici sa version studio. La sortir maintenant et dans l'urgence nous paraît la meilleure chose à faire au vu du contexte actuel en France. Quand l'outil démocratique en France est usurpé, quand notre gouvernement répond aux manifestants par la violence des hommes et des femmes en armure, ceux-là même qui ont déjà, dans notre passé récent ou non, mutilé le peuple en leur arrachant les yeux ou les mains, « You hit me in the front, I hit you in the back, NLK ». C'était Cran avec le morceau « Policeman ». Et juste avant Cran, vous avez pu entendre la douce voix du ministre Olivier Dussopt qui nous disait que notre, notre révolte, notre mouvement est futile et vain. Stérile. Ouais, stérile, et, stérile, ouais. Et juste avant, c'était « Affecticide ». Qui parlait de trucs vraiment qu'il ne faut pas faire, mettre le feu aux voitures de police, c'est pas bien, il ne faut pas. Non, mais c'est mal. Ils non, le non, disent d'ailleurs, faire, c'est mal. Pas le dire, c'est mal. Dire, c'est bien. Non, ils disent c'est mal. C'est, ils le disent dans la chanson. Val, comment oui. vas-tu? Oui, bah ça va. Bon. Je tousse trop, visiblement. Tousse, ouais, mais... t'as mal au dos aussi? Non. Là, je suis en train de regarder des recettes de chakalaka. Ok, je vais sur mes notes. C'est Hasbrook, ça? Enfin, c'était Hasbrook. Bah, ouais, non, ça n'a rien à voir. Bon. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça va se transformer en émission culinaire si on continue. Oui. Bah, on peut. Alors, je suis joie, je suis bonheur. Les mecs de Enemy Interior sont de retour. Tu connais au moins? Non, GG Bonheur. Qui quoi? Tu es bonheur. Tu es GG Bonheur. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Non, on ne veut pas être GG Bonheur. Alors, les mecs de Enemy Interior sont de retour. Mais comment tu sais l'imiter sans le connaître? Il parle vraiment comme bah, ça. C'est un don naturel. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, vous ne facilitez pas la tâche à chaque fois. Jamais. Hein, ouais, c'est vrai. Donc, les Barcelonais de... C'est pourquoi de... tu parles de tâche quand bon on alors, parle de GG Bonheur. C'est quoi cette histoire? C'est du sabotage. Sabotage. Tu l'as au moins mon morceau? Bien sûr. Ah, d'accord. Je n'attends que toi. D'accord, allez, je peux y aller? Allez, ouais. C'est parti. Donc, les Barcelonais de Enemic Interior sont de retour avec un EP qui vient de sortir sur... Mendekuliskak. Quelle surprise. Wow. Bah, ils ne sortent que des bonnes choses, donc voilà. Leur premier EP de mars 2022, en version cassette, donc sur Flexidiscos, c'était fort prometteur. Et il a été d'ailleurs sorti ensuite en version vinyle sur le label Under the Guns Records. Le second ne faiblit pas, on se prend 6 titres bien péchus chantés en catalan. Toujours assez court, aucun morceau n'excède 2 minutes. Et d'ailleurs, leur live ne dure jamais plus de 20 minutes, selon leur propre dire, vu que j'ai jamais eu la chance de les voir. Faut pas aller chercher une bière à ce moment-là. Oui, enfin, oui, effectivement. T'arrives, merci, au revoir. Donc ce deuxième EP est intitulé Enemic Interior 2. Le titre du premier était Enemic Interior, donc on se foule pas pour les noms des albums, non. Ça c'est clair. Mais c'est bien la seule chose qu'on peut leur reprocher, parce que c'est tout de même vachement bien ficelé, cette histoire. Est-ce que c'est du post-punk? Est-ce que c'est de la oi? Est-ce que c'est du post-punk matinée de oi? Est-ce que c'est du post-punk sauce tomate à l'ail? Je vous laisse seul juge. Tomate à l'ail? Bah oui, c'est catalan. En tout cas, c'est excellent, et ce deuxième opus ne me donne envie que d'une seule chose, c'est de pouvoir les apprécier en live à la première occasion. On écoute à présent le morceau qui ouvre ce nouvel EP. Ça s'intitule « La Lium », ce qui signifie « la lumière ». Yeah. Ah ouais, j'ai pas loin de la vie. Putain, incroyable. Oui, bah on parle de lumière et tout ouais, ça. Ouais, de on elle, parle de nous-mêmes, de elle, ouais, ouais. De elle mouillée. Bah oui, hein, voilà, c'est hein, vous êtes bien sur Campus, une émission culturelle le jusqu'à. Le elle mouillée. Le elle mouillée. C'est un peu dégueulasse. Si, c'est mieux. Bah, il y en a en français. Une émission culturelle et culinaire. Pyongyang Styro Cœur jusqu'à 21h. Tu passes un truc ou je passe un truc? Bon, bah, c'est moi qui passe un truc. Ah, c'est moi qui parle. Oui. The Sound. Maintenant. Dans la catégorie groupe post-punk oublié, tu parlais de post-punk tout à l'heure, Avla, bah, eux, ils se posent là, The Sound. Pourtant, ils ont beaucoup tourné dans le coin, je veux dire, en Belgique, et puis aussi pas mal aux Pays-Bas. C'était au début des années 80. Et pourtant aussi, ils étaient très, très appréciés à l'époque pour leur prestation scénique toujours excellente. Actifs de 78 à 88, ils ont sorti 7 albums, un paquet de singles et puis plein de lives à l'appel qu'on peut retrouver parfois sur YouTube si on arrive au bout, si ça se trouve quand même. Leur son, on va dire que c'était ce qu'aurait fait New Order s'ils avaient emprunté une voix moins dansante et plus rock et plus tendue, parce que New Order quand même, hein, c'est de la dance. Oh là, attention. Bah si, c'est vrai quoi, bon c'est bien mais bon. Signaler aussi les paroles où leur chanteur Adrian Borland faisait la part belle à ses états psychiques. Il faut dire qu'il était, frappé de schizophrénie dysthymique, autrement dit, psychose aiguë schizoaffective. C'est le nom officiel de la maladie. Un truc qui se soigne à coup de médoc, plus ou moins bien. D'ailleurs, Adrian Borland finira par se suicider en 99 après 10 ans de carrière solo avec et avec d'autres groupes. On va l'écouter ici dans I Can't Escape Myself, expliquer que quand il est seul, il est avec celui qu'il craint le plus. Left alone, I'm with the one I most fear. Notez qu'il y a un documentaire sur Adrian Borland qui est sorti il y a quelques années, ça s'appelle Walking in the Opposite Direction. C'est quelqu'un qui a... quand même eu une grosse influence sur pas mal de groupes, que ça soit punk, new wave, cold wave, etc. Dark et tout le bordel. Voici The Sound avec I Can't Escape Myself. We'll be right back. just wanna break out, shake off this skin. Ouais. C'est lourd, hein. Ouais. Bon, il reste, allez, 17 minutes à l'antenne de campus. 106,6. Young Young City Rockers, 288. Toi aussi, tu tousses ouais. Pourquoi tu tousses, tonton? Non, non, je ne tousse pas, je m'éclaircis la voix. Avec un titre sur la compilation Paris On Oi, ce nouveau projet parisien est composé de membres assez actifs dans la scène. Ils viennent de sortir leur premier EP comprenant 4 morceaux plus une intro de Perfect Oi à la française. Bon jeu de guitare, balance parfaite et mélodie et dureté, légèrement ténébreux, agressif et accrocheur. C'est ce à quoi on doit s'attendre si on en croit la plume de M. Edouard, patron du label Mendeku Discac. On en revient. Alors cet EP a été enregistré et masterisé à Paris par Alexandre Mazarguil au UFO Studio au Frigo de Paris. Un peu plus de 400 copies en noir et ou en violet transparent, pour ceux qui aiment le violet transparent. Putain, mais c'est vraiment... Je suis daltonienne, je m'en fous. Alors, résilience... Ils n'entendent pas quand on le passe sur la platine. Résilience sur ce disque, c'est Mamad au chant, Dave Rockin à la guitare, Joy à l'autre guitare, Nico Jussieu à la batterie et Carolina à la basse. Et le groupe vient d'annoncer l'arrivée de Clément à la basse, donc qui va remplacer Carolina. Et Clément, il joue aussi de la basse dans les Von Bastards, ex Baron X and the Von Bastards. Ah ouais, changement de nom, pourquoi? Le Baron est parti? Ils ont juste préféré les Von Bastards. Bon, bah c'est tout. Voilà, il est toujours là, toujours le même chanteur. Voilà, je vous propose le morceau Paris, précédé de son intro sur Radio Campus Lille 106,6, émission Pyongyang City Rockers numéro 288. We'll be right back. non, mais c'est vrai, quoi. Il y en a marre de ces groupes qui font tous la même chose. Non, mais là, ça, là c'est bien. Je disais pas ça pour là, c'est bien, c'est-à-dire que tous les autres, c'est de la merde. Ouais. Non, pas de la merde, mais. Mais c'est vrai que Dave Routine, il est un peu dans tous les groupes de la scène parisienne. Et on va dire que la scène parisienne, c'est un peu une grosse partie de la scène française. Et c'est vrai que. C'est un euphémisme. Lille n'est pas en France, alors. Ah oui, c'est vrai. Ils se considèrent pas comme skin. Ah ouais, tu parles de scène skin. Ouais, d'accord. Voilà. Ça va, on est d'accord alors. Ouais. Ouais. Faites de la guitare à Paris. Disons. Disons qu'il y a des tendances quand même. On va dire qu'il y a des groupes qui se mettent tous dans la même tendance à un moment. Bon, bah voilà quoi. Tendance sortie Phosphore, un groupe de Bordeaux qui nous est promis en cassette chez. Ça y est. La belle de où ? De Lille. De Lille. De cassette. Dirty Slap Records. Dirty Slap, de chez Dirty Slap. Mais c'est pas encore sorti. Bientôt, c'est déjà sorti sur Bandcamp. Vous allez chercher Phosphore avec un E. Vous savez, le truc qui fait des flashs. Et que pour l'instant, la police ne nous a pas encore sorti en manif. Donc, je dois dire qu'ils se retiennent quand même. Hein. Bon, un jour, on l'aura. Et là, ça va un peu plus pleurer. Mais du coup, comme l'autre fois, bah, Cyril m'en parlait, ça me disait, ouais, putain, Phosphore, moi je me rappelle de ce groupe-là. Allemand là, du début des années 80, qui faisait à la fois du punk le plus chop boom possible et puis aussi de la New Wave Neue Deutsche Welle. Voici donc, ouais, bah tu connais la Neue Deutsche Welle, c'est la nouvelle vague allemande, c'était la New Wave à la sauce allemande, donc tu sais, très carré. Voici premièrement Granola par Phosphore, les Allemands, où là c'est le côté punk. Après, un titre de la même année, toujours par les mêmes Phosphores allemands, ils sont de Hanovre, je crois. Ils étaient, non, Hanovre, non, je sais plus. Oui, si. Tag auf Hawaii. Tag auf Hawaii. Des jours à Hawaii. Ouais, Hawaii. Hawaii, Hawaii. Et enfin, le Phosphore Bordelais 2023. Avec tous contre tous, eux, ils sont vraiment à fond dedans. Voici pour l'instant Phosphore, ensuite Phosphore. Et à la fin, Phosphore. Youpi. Granola. La la la la la la la. Auf dem Parkplatz des Supermarkts liege. welcher Musik plätschert vor sich hin. Und ich dachte glatt, Mann, jetzt liegst du hier im Sand auf Hawaii. Blau strahlt der Himmel und die Eingeweide harmonieren. Hein, ça tranchait quand même. Vous avez pu entendre Phosphore. Le dernier titre là, c'était Phosphore de Bordeaux. Apparemment, ils sont venus faire un petit stage à tournée. Ça sonne vachement au groupe de tournée. Ouais. Et à mon avis, ceux-là, quand on les verra live, j'irai parce que ça va être encore bien mieux que ce qu'on a entendu là, qui est très bien déjà. Hein. Ah bah, figure-toi que j'ai un morceau qui va bien coller, à mon avis, avec ton morceau de Phosphore. un morceau de Terre-Neuve. Oui. Alors, Cobra Jaune, Skins are on the attack. Premier scud pour ce nouveau groupe belge composé des trois quarts de Instructor, mais à des postes différents. Alors, ce premier 7 pouces contient 6 morceaux, quelque part entre hardcore mid-tempo et oeil sombre et négative, avec des paroles remplies d'amertume et d'angoisse. Le tout chanté en français, enregistré, mixé, masterisé, là c'est pour la clique belge, DD au Spector Studio au printemps 2022. L'artwork par Andoni Della Cruz, le chanteur de Cuero. Le Cuero, un petit peu de basque dans ce groupe bruxellois. 500 copies en noir ou en bleu. J'ai choisi le morceau. C'est sorti chez qui? Je sais pas, je l'ai pas dit. Non. Tes coups disques, hein, Terre-Neuve vient des coups disques. Assez causé. Quand tu sais pas, tu dis même d'écoute. Assez causé sur 106,6. Allez, il reste 30 secondes pour dire au revoir sur le fond de Zilsezatoklap, les ivrognes de Zeel, à côté de Lokeren, comme je vous disais tout à l'heure. Lokeren, ouais. Enfin bref. Lokeren. Oui. Oh, ça va, ça va. Dikewari, Dikebak. À la semaine prochaine, et puis n'oublie pas. Bat Mulu, Bat B, Akab. Choco zone kenkel strak. Ik kom boren in uw gat. Stuur vast, linkerbaan blijven gaan. Het zal duren tot de flikker ons tegenaan. Voor deze kerren heb ik echt zuur lang gespaard. Maar niet dat dat gevoel toch even hard. 220 op de dash, lekker fijn. Center zelen wordt gepijst. Piepen de banden van de rest. Af en toe gezag, al de gordijs tot de laag. Op Facebook of in de gazet. De races worden altijd in de bloemboekjes gezet. Test die rap, tellen straag, ruitjes open, giegezaag. Tegen 20 muziek luid, vieze blikken mok niet uit. Doe wat ik wil in mijn BMW. Met een lelijke Fiat kunde jij niet mee. Moet tanken om duur, niet goedkoop, ja echt duur. Dikke portemonnee, dikke Merrie klasse E. Kleef voor die notto's, ze biedt post ik nog een foto. Ja, ze gaan land in rap met een wagen over de straat. Ja, ze gaan tot blok gas, vliegbaas, die ze gaan. BMW M2, ja de flik kan niet mee. Ja, de flik zat niet mee toen ik in de spiegel keek. Nara, dikke wacht, dikke pak. Nara, smeer mijn safken uit de pak. Nara. Chocos rol ik enkel strak. Ik kom boren in uw gat. Fuck de LIZ. Ik vlam al voorbij met mijn Euro 4 raket. Mijn auto is mijn sled. Die getune trottinet. Die een turbo die klinkt vet. Als ik deur de straten tap. Muziek staat weer luid. Wat jij ervan pijst interesseert mij geen fluit. Altijd aan het cruisen met een open ruit. Altijd aan het boezen met de ogen op de buit. Check mijn auto, kijk naar mijn slee. Mat is op de achterbank altijd mee. Drukt op die gas, trekt hem in zijn toeren. Racen tegen mij? Ik zal er op eens vloeren. Laag op de buik, kijk naar mijn janten. Pirelli Sport, dat zijn echt zotte banden. Heb het nou verstaan? Race gelijk me zot met een kop in de gazet zien staan. Schoon. We blijven nog wat gaan. Ja, ze gaan land in de rap met de wagen over de straat. Ja, ze gaan te blok gas, vliegbaas, die ze gaan. BMW M2, ja de flik kan niet mee. Ja, de flik zat niet mee toen ik in de spiegel keek. Nara, dikke wacht, dikke pak. Nara, smeer mijn safken uit de pak. Nara. Chocos rol ik enkel strak. Nara. Ik kom boren in uw gat.